chercher, on se rendra pas. Tu peux convoquer mes gars, ils balanceront pas, pas. Comme tous ces crétins, tous ces ton rat. Jamais la main mise, on peut rat, on peut rat. Depuis le berceau, depuis tout petit, pas de magie du tiroir, pas de son travesti. De la forme, dans du fond et des flots de folie. Là, de ma passe, ce plat est sali. Maintenant, il ne faut plus fuir au moment de l'addition. Multiplions les disques, c'est l'heure de la sanction. Sans système précis, laissons talent parler. Ceux qui en veulent, c'est sûr qu'il faut débourser. Rendez-nous tout, car rien n'est à vous. Tu connais cette phrase qui dit que le monde est à nous. De B.A.L. dans le chargeur, de tout ils sont déjà partis. Depuis tant t'es au courant, les doubles sont réunis. Laissez-nous faire, laissez nos affaires. Laissez-nous le rap, c'est notre galère. On en est fiers, rendez-le-nous. Laissez-nous faire, laissez nos affaires. Laissez-nous le rap, c'est notre galère. On en est fiers, rendez-le-nous. Laissez-nous faire, laissez nos affaires. Laissez-nous le rap, c'est notre galère. On en est fiers, rendez-le-nous. Laissez-nous faire, laissez-nous nos affaires. Laissez-nous le rap, c'est notre galère. On en est fiers, rendez-le-nous. Frère, tu peux te perdre à force de chercher. Frère, abandonne l'affaire si tu ne fais que copier. Frère, laisse-nous faire, nous on a que ça à faire. Frère, on a souffert, on sait qu'on finira sous terre. C'est notre seul salaire vu qu'on est de passage. De B.A.L. en concert, les spectateurs y gagnent. On propage depuis notre plus jeune âge. Du bonheur, de la rage, de la rue jusqu'au bagne. On vient de l'école de ceux qui sont en marge, de ceux qui se relèvent après des années de castagne. Pendant que tu parles mal, tu connais notre position, donc reste à ta place. Au lieu de faire le ménage, tu cherches à cacher la crasse. On est des pros de la musique, non ce n'est pas un délire. Pas de plan de carrière, c'est sincère. C'est s'investir, écrire. C'est notre seul moyen de ne pas mourir. La guerre c'est facile d'y entrer, difficile d'en sortir. Laissez-nous faire, laissez nos affaires. Laissez-nous le rap, c'est notre galère. On en est fiers, rendez-le-nous. Laissez-nous faire, laissez nos affaires. Laissez-nous le rap, c'est notre galère. On en est fiers, rendez-le-nous. Laissez-nous faire, laissez nos affaires. Laissez-nous le rap, c'est notre galère. On en est fiers, rendez-le-nous. Laissez-nous faire, laissez nos affaires. Laissez-nous le rap, c'est notre galère. On en est fiers, rendez-le-nous.